J'aimerais tant être. Voici maintenant une prière d'un enfant qui dit à ses parents. J'aimerais tellement être Félix, notre petit chat, pour pouvoir être pris dans les bras à chaque fois que vous rentrez. Parfois, j'aimerais tellement être un Walkman, pour que je puisse sentir que vous m'écoutiez avec seulement mes mots près de vos oreilles, avec l'écho de ma solitude. J'aimerais tellement être un journal pour que vous puissiez prendre du temps avec moi et me demander de mes nouvelles. J'aimerais tellement être une télé pour que je n'aie pas besoin de m'endormir seule le soir, sans qu'au moins une fois, vous me regardiez avec intérêt. J'aimerais tellement être une fois l'équipe de football, papa, pour que je puisse te voir plein de joie après chacune de mes victoires, et un roman pour toi, maman, pour que tu puisses lire mes sentiments. Lorsque je réfléchis de la sorte, j'aimerais vraiment n'être qu'une seule chose, un cadeau inestimable pour vous deux. Ne m'achetez rien pour mon anniversaire, faites juste en sorte que je puisse sentir que je suis votre enfant.